Histoire Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, mais une émission qui rompt avec le cours habituel des jours puisque nous sommes au rendez-vous de l'Histoire de Blois. Le thème des rendez-vous de l'Histoire de Blois, c'est donc la puissance des images, une question qui nous occupera pendant toute cette émission jusqu'à 10h, puisque pour commencer, nous rendrons un hommage à l'historien Michel Vauvel, dont on a appris la disparition en fin de semaine dernière, avec Séverine Yatard et deux de ses anciens étudiants et étudiantes. Anne Jollet, elle est professeure à l'Université de Poitiers, directrice de la revue des Cahiers d'Histoire, et Pierre Cernat est professeur d'histoire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et il est ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution Française, qu'avait dirigé avant lui Michel Vauvel, et s'occupe également de la revue électronique La Révolution Française. Avec eux, nous vous préciserons qu'il fut aussi, Michel Vauvel, un pionnier de l'histoire des images. Et puis ensuite, avec Anaïs Quien, nous recevrons Adrien Genoudet. Il s'occupe d'un site du Collège de France qui s'intitule Entretemps. Nous en discuterons avec lui, car c'est un site qui traite aussi de l'histoire des images. Victor Masset d'Épinay sera avec nous. Il nous parlera du film documentaire Le procès contre Mandela et les autres de Nicolas Champeau et Gilles Porte, qui traite donc du procès de Rivonia. Il sera en fin d'émission avec nous. Et pour finir, Marion Minois de la Compagnie du Théâtre Brut lira l'extrait d'un texte de Léon Blum sur la pornographie ou l'art. Une question évidemment qui sera traitée dans ce rendez-vous de l'Histoire de Blois, c'est le partenariat avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Mais tout de suite, nous recevons le directeur des rendez-vous de l'Histoire de Blois. Bonjour Francis Chevrier. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Donc, pour ouvrir cette émission, vous avez beaucoup d'obligations, et en particulier l'obligation de recevoir dans un instant le ministre de l'Éducation nationale qui va ouvrir ses rendez-vous de l'Histoire de Blois, c'est cela ? Bien sûr. Jean-Michel Blanquer revient à Blois cette année. On est très heureux de l'accueillir pour ce moment un peu solennel du vendredi matin qui est en effet l'ouverture officielle, si on peut dire les choses ainsi, des rendez-vous de l'Histoire. Même si beaucoup de gens étaient déjà là hier pour voir beaucoup de débats, de discussions et même un spectacle de cinéma façon 1914-1918. Je vous ai demandé de venir en ouverture de cette émission parce que nous avons traité la semaine dernière avec Clyde Plumosil, avec Étienne Anaheim et avec Pascal Horry qui étaient nos invités pour la table ronde fiction, de ce texte des 440 historiennes qui voulaient, maintenant 520, effectivement c'était 440 la semaine dernière, 520 historiennes qui voulaient trouver une meilleure place, pourrait-on dire, dans l'université, mais également dans des rendez-vous comme ceux de Blois. Et vous avez donc hier, dans Le Monde, annoncé donc une nouvelle manière de gérer ces rendez-vous de l'Histoire, Francis Chevrier. Oui, enfin, c'est notre grand ami Michel Perrault qui a annoncé dans Le Monde, en notre nom, un petit peu cela en effet. Alors tout d'abord, je tiens à saluer l'importance de cette tribune des historiennes qui, à mon sens, fera date, en effet. Je souhaite les remercier aussi, d'une certaine façon, d'avoir choisi le moment des rendez-vous de l'Histoire pour s'exprimer publiquement, ce qui témoigne, ce qui souligne de la place qu'a pris Blois dans la communauté des historiens. Et je souhaite dire, bien évidemment, que les rendez-vous de l'Histoire soutiennent totalement cette démarche et d'une manière générale, évidemment, le souhait et la volonté des femmes d'occuper toute leur place dans la société, évidemment. Et Michel Perrault, dans Le Monde, dit « Blois est une brèche, d'une certaine façon. C'est une brèche donc qui va permettre de porter justement au-delà du milieu universitaire cette demande d'égalité, de promotion plus égale en tous les cas des femmes dans le monde universitaire. Alors nous avons toujours, me semble-t-il, été assez attentifs à cette question et essayé d'être autant que possible paritaire. Mais cette année, nous avons décidé, suite à cette tribune et en dialogue avec les personnes qui l'ont signée et avec Jean-Noël Jeannet, le président de notre conseil scientifique, eh bien nous avons décidé d'instaurer la parité. Donc notamment au sein du conseil scientifique des rendez-vous de l'Histoire et ainsi que dans tous les jurys qui décernent nos prix. Alors cette parité sera inscrite dès cette année dans nos règlements Mais elle se fera bien sûr au fil du renouvellement de ces instances, hein, comme il se doit. Mais nous l'inscrirons dès cette année dans nos règlements, ainsi que nous inscrirons dans notre charte du bon débat les recommandations que nous donnons à tous ceux qui participent au rendez-vous de l'histoire. Eh bien, nous inscrirons que ces tables rondes, panels et autres cartes blanches doivent être aussi mixtes que possible. Merci beaucoup d'être venu annoncer donc à notre micro ces changements donc dans l'organisation de l'ensemble de ces rendez-vous de l'histoire. En espérant que d'autres suivront. Voilà. Et nous allons entamer maintenant une deuxième partie de cette émission. Merci Francis Chevrier. Je vous laisse rejoindre donc le ministre qui ne va pas tarder à arriver. On va vous rendre hommage à un historien des images. Il s'appelait Michel Vevel. Vous l'aviez rencontré pour une série de bibliothèques comme on le faisait au début de la Fabrique de l'Histoire. Séverine Yatta, bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, vous avez des bibliothèques d'historiens à l'époque, c'était en 2004. Et on demandait donc à ces historiens ou à ces historiennes de nous donner 4 ou 5... 5 livres. 5 livres. Un jour par semaine. Voilà. Un livre par semaine. Voilà. Et donc 5 livres qui les avaient marqués. Et il évoque à votre micro un livre de Robert Mandrou. Robert Mandrou, c'est aussi un personnage auquel j'aime me référer parce que j'ai été frappé par cette lecture d'un petit livre. Un petit livre extrêmement suggestif, c'est cette bibliothèque bleue de Troyes, bleue parce que ce sont des petits livrets couverts de papier bleu grossier qui était le papier dont on enveloppait les pains de sucre. C'est donc des livres qui ont une destination tout à fait populaire et cette bibliothèque populaire donne à Mandrou le moyen d'exploiter une nouvelle source. C'est ça qui, comme beaucoup d'autres, m'a frappé, découverte de sources différentes. Elle reste au niveau de l'écrit, mais ce n'est pas l'écrit officiel, si je puis dire, c'est l'écrit qui permet d'accéder à la culture de ceux qui n'ont pas pu se permettre d'expression personnelle, à ceux que, injustement, on appelait, comme on les appelle encore, les analphabètes, et qui ne sont pas forcément des analphabètes, puisqu'ils lisent un peu ou puisqu'ils se font lire à la veillée. Et avec Mandrou, la problématique de la culture populaire s'impose avec force. Elle a été ensuite bien approfondie, nuancée, contestée bien sûr, puisque on a ensuite développé les chantiers de la culture d'élite, puis ensuite on a commencé à dire culture populaire, culture d'élite, on en a trop entendu parler, et qu'est-ce que cette dichotomie appauvrissante, et je suis de ceux qui ont peut-être contribué à nuancer le paysage en lançant le thème des intermédiaires culturels, d'un courant de circulation, d'échange, et pas forcément verticalement, de haut en bas. Entre culture dominée et culture dominante. Culture dominante, voilà. Voilà, c'était donc la voix de Michel Vevel, le grand historien dont on a dit dans la presse que c'était le grand historien, un grand historien de la Révolution française, mais dont on peut dire qu'il est, donc Séverine Yatta, un historien beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ce qu'on a d'ailleurs entendu. C'est intéressant, puisque il m'avait donc présenté ce livre de Robert Mandrou sur la culture populaire, et puis il m'avait parlé de la Grande Peur, 1922, Georges Lefebvre, qui selon lui était le symbole finalement de l'entrée dans la modernité des études sur la Révolution française. Il m'avait parlé de la Légende dorée de Jacques de Voragine, ouvrage du XIIIe siècle, pour nous introduire finalement dans les territoires de la mort et tout son travail sur le purgatoire. Et puis, il m'avait parlé de pénitents et francs-maçons, de son ami et collègue Maurice Agulon, de l'école d'Aix, hein, comme ils aimaient à s'appeler ensemble, qui traitait des systèmes de sociabilité des élites. Et puis enfin, Le fromage et les vers de Carlo Ginzburg, la microstoria et puis la culture populaire à travers la fameuse figure de ce meunier Frioul. Et puis sa thèse, hein, puisqu'on est sur ces problématiques des images, qui porte sur la déchristianisation en Provence, mêle à la fois une recherche archivistique extrêmement dense sur les testaments, et puis il y avait cette approche nouvelle, peut-être Pierre Cernat ou Anne Jollet vont nous en parler, sur l'iconographie. Anne-Jolet, bonjour. Vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'université de Poitiers, directrice de la revue Les Cahiers d'Histoire, et Pierre Cernat, professeur à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, et successeur à ce titre, un des successeurs de Michel Vauvel. Effectivement, il avait une attention aux nouvelles sources. Il le dit dans ce petit extrait sur Robert Mandrou. Anne-Jolet, c'était cela qui vous a intéressé quand vous avez travaillé avec lui en tant que étudiante sous sa direction pour votre propre thèse, Anne-Jolet? Oui, je vous remercie et je te remercie d'évoquer ce passé lointain qui me paraît pas lointain quand j'entends la voix de Michel Vauvel. Je pense que c'est aussi une voix très spécifique avec ce registre d'économie dans les mots que j'aime beaucoup, qui fait sentir toujours une forme de retenue, de doute sur le choix du bon mot. Bon, j'ai parlé de ça à ses obsèques hier ou avant-hier, je sais plus. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très heureux, le passage que vous avez choisi. La question de la découverte des sources, je crois aussi qu'elle est cruciale. Enfin, c'est sans doute ce qui fait la puissance de cet historien, enfin de tous les historiens, c'est d'inventer des nouvelles sources. Et effectivement, il en a inventé beaucoup. Et bon, tu faisais allusion à la mort, au testament, bon, qui ont été repris depuis maintenant 40 ans et qui ont été une vraie invention de sources. Mais il y en a beaucoup. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très fort. En même temps, moi, c'était pas du tout ce que j'étais allée chercher. Je l'ai pris un peu à contre-pied. Et je crois que ça fait aussi partie de la grandeur de cet historien. À la fois, beaucoup de liberté. On était très respectés. Moi, j'ai travaillé sur le marché immobilier dans la région d'Amboise, donc pas très loin d'ici, en cherchant à comprendre, dans une perspective socio-économique, qu'est-ce qui faisait que les gens adhéraient ou pas à une révolution. Il avait d'ailleurs mis dans mon jury Claude Mélian, que je salue, qui vient de mourir aussi cette année, qui était un spécialiste des paysans, originaire aussi de cette région, ici, de Limeray. Et pour lui, ce n'était pas, à l'époque, son grand sujet, puisqu'il était, comme tu l'as dit, sur les images. Mais il l'a fort bien accepté. Et je crois que c'est vraiment ça, aussi, sa force d'accepter et aussi de faire des liens. Donc, oui, on va y revenir avec vous, Anne-Jolet. Mais Pierre Cernat, il y a deux attitudes quand un grand historien comme Michel Vauvel disparaît. C'est une attitude de respect. On fronce les sourcils et on se souvient avec beaucoup de sérieux de la façon dont on l'a rencontré. Et tout à l'heure, vous écoutiez sa voix, vous souriez, Pierre Cernat. Oui, je souriais tout simplement parce que, comme le disait Antonio De Francesco, que vous avez accueilli il y a quelques jours sur son beau livre sur l'historiographie française. Une guerre de 200 ans. Voilà, Antonio l'écrit noir sur blanc. Michel Vauvel est le dernier géant de l'histoire de la Révolution française. Et donc, c'est important de le dire, il y a des historiens de la Révolution, mais c'est le dernier géant au sens où il donne un sens universel, un sens cosmopolite, il donne un sens toujours neuf dans l'actualité par rapport au texte fondateur de la Déclaration des droits de l'homme, de la République et de la démocratie. Mais plus que cela, je souriais aussi parce que pour cet homme qui... Il avait dirigé aussi votre thèse. Oui, bien sûr, il a dirigé ma thèse. Mais pour cet homme aussi qui pensait, comme le Don Juan de Molière, que 2 et 2 sont 4 et 4 sont 8 et que le ciel est vide, sa voix me rappelait que la mémoire est là pour ceux qui pensent que, justement, la mémoire vit grâce à nous et vit grâce aussi aux historiens. Et donc, c'est vrai, je dirais avec Anne Jolet, donc ce qui nous a attirés, enfin je pense beaucoup d'entre nous de cette génération qui l'ont connu au début des années 80, quand il arrive en 1982, il succède à Albert Soboul à la chaire d'histoire de la Révolution française en Sorbonne, c'était fondamentalement donc cette espèce d'écart intellectuel qu'il tenait avec une force de titan qui allait du sériel, 12 000 testaments lus pour sa thèse, à l'exceptionnel. Et moi, c'est un petit peu cette histoire-là de l'exceptionnel qui m'a intéressé, au travers de ces deux textes lumineux qui sont remarquables d'intelligence et d'intuition dans ce livre magnifique qui s'appelle « De la cave au grenier », qui disait aussi à quel point c'était un historien total, les deux textes sur Sade et Mirabeau, les marquis nobles, révolutionnaire et subversif de l'Ancien Régime. Et en tant qu'ancien élève, Anne Jolet et Pierre Cernat, alors c'était aussi un maïoticien, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui a suivi de nombreuses thèses, de nombreuses maîtrises, DEA, à l'époque, je crois 600 ou 800, qui faisait encore comme à l'ancienne, dans l'ancienne école, c'est-à-dire des grandes opérations de recherche sur la Haute-Provence, par exemple. Bien sûr, il avait ouvert plusieurs chantiers. C'est un homme de chantier, c'est-à-dire que c'était un homme qui avait rayonné personnellement de par son talent, mais qui savait mettre en musique, qui savait mettre en orchestre des équipes entières. La recherche sur la mort, la recherche, le chantier sur les images, le chantier sur la fête révolutionnaire, le chantier sur les images du purgatoire, par exemple. Alors, en quoi, justement, sur les images, Michel Vauvel va se trouver être précurseur? Parce que, bon, les images sont traitées par les historiens de l'art. Lui, en tant qu'historien, il va aborder l'image autrement. Hein. Il va la considérer comme une source à part entière et pas seulement comme quelque chose qui doit illustrer une idée hein, qui était classiquement traitée de cette manière par les historiens. Ouais, je pense que c'est vraiment rattaché avec ce qui a été dit tout à l'heure, le livre que vient de citer Pierre Serna, De la cave au grenier. Moi, je crois que c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aussi amené vers lui. C'est cette tentative qui est restée ouverte et peut-être, enfin, qui je crois demeure. Enfin, c'est un peu ce qu'au cahier d'histoire, on essaie de penser aussi et de faire avancer entre cette question de la production matérielle, de ce que, alors il disait toujours ces mots désuets, donc les infrastructures. Oui, parce que c'était un historien d'origine marxiste. Marxiste, hein, pas d'origine, je crois qu'il est resté, marxiste, qu'il l'a toujours été, mais qu'il a posé, il a ouvert à le marxisme, à ce qui est aussi des réalités humaines que Pierre a bien exposé. Il a évoqué Eros et Thanatos dans son hommage aux obsèques, c'est-à-dire que les êtres humains sont aussi des êtres qui sont dotés de mémoire et d'imagination et de culture. Et son grand travail, et je pense que c'était un effort titanesque, d'essayer d'articuler cet apport immense de l'histoire économique et sociale et ce que lui-même avait découvert, notamment avec ces images des hôtels des âmes, des hôtels du purgatoire, et après son travail sur la mort, avec cette puissance dans le long terme, donc essayer aussi de réarticuler long terme et court terme, et pour moi ce qui reste aussi une des grandes articulations qu'il a cherché à penser, et que peut-être parfois aujourd'hui nous échappe, c'est celle du changement. Qu'est-ce qui fait que les sociétés changent? Et il était toujours sur cette question. Donc sans être enfermé dans le pourquoi, comme lui aurait suggéré Emmanuel Leroy-Ladurie, qui lui se pensait sorti du marxisme, donc les marxistes ayant comme tâche de dire pourquoi, il disait qu'il fallait aussi dire comment et qu'il n'y avait pas de dichotomie. Je crois que c'est très fort, hein. Effectivement, il n'y a pas de dichotomie. Pierre Serna, justement, sur ces images, il les a pensées d'abord sur son travail sur la mort et avec ces images du purgatoire en particulier. Il les a pensées aussi pour la Révolution française, un grand livre en 5 tomes qui paraît en 1986 sur les images de la Révolution française. Il est un des premiers à avoir imaginé qu'il fallait, dans cette production très importante d'images, justement, pendant la Révolution française, en sélectionner beaucoup pour pouvoir les montrer à un public beaucoup plus large à la veille du bicentenaire. Oui, les images sont avant le discours dans cette société dont il a dit dans ce magnifique extrait que ce n'est pas parce qu'on est analphabète qu'on n'a pas de culture. Ce n'est pas parce qu'on est analphabète qu'on n'a pas d'idée politique. Ce n'est pas parce qu'on est analphabète qu'on n'a pas une représentation du monde, comme l'avait écrit de façon magnifique Roger Chartier, avec qui il a eu un dialogue très intense pendant le moment du bicentenaire. Et donc, paraissent donc en 1986, aux éditions Messidor, ce formidable travail de 5 volumes, donc 1800 pages, 3000 images, images et récits de la Révolution française. Et puis, à côté de cela, en conclusion, ce petit livre moins connu, mais qui est tout à fait remarquable et lumineux. L'histoire... Personnellement, vous me l'avez fait découvrir il y a 5 minutes, ce petit livre en question, donc je ne savais même pas qu'il existait. Hélas, et je regrette qu'on en parle si peu au thème de Blois cette année, qui est consacré à l'image, qui s'appelle « L'histoire figurale des monstres médiévaux à Wonder Woman ». Michel Vauvel est un homme qui a 30 ans d'avance, est un visionnaire, c'est un historien visionnaire. C'est cela qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit dans cette histoire figurale? Justement, ce qu'il dit dans l'histoire figurale, c'est qu'il faut aussi se mettre d'accord sur le mot « image ». Il dit qu'une image, en fait, ce qu'il travaille, c'est la production en série des images. Et ce qu'il travaille, c'est la réception des images, c'est la perception des images, et c'est aussi la massification des images. Et donc, on a une révolution en images, d'une certaine manière, parce qu'elle doit parler, et on a aussi une révolution des images. Mmh. Donc on a une image de la révolution, et un support qui est complètement transformé, et que son étudiant bien-aimé, Antoine Debecq, va aussi illustrer dans un merveilleux livre avec Claude Langlois sur l'histoire de la caricature. Et c'est la réappropriation aussi des images, puisque Anne-Jolet, vous parliez de la question du changement des sociétés ou non. Il traite aussi de cette question des images du purgatoire qu'on retrouve dans nos sociétés aujourd'hui, retranscrites au cinéma, dans la BD ou sur les magazines, en fait. Hein. La permanence de l'image plus que l'écrit, disait-il. Pierre Cernat. Oui, bien sûr. C'était même un très fin et un très sensible connaisseur des mangas japonais consacré à Marie-Antoinette. Mais j'en apprends aujourd'hui sur Michel Pavé. Je savais pas qu'il était spécialiste des mangas japonais. Oui, tout à fait. C'était un très grand spécialiste du manga japonais et surtout de la Toinettomania qui existe au Japon. Et ce qu'il disait, c'était sur Marie-Antoinette. Hein, sur Marie-Antoinette. Et ce qu'il disait, c'est qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire, de la réception, c'est-à-dire sur ce qui est vu par tout le monde, comment c'est dit et comment ça a fait du collectif silencieux. Et ça c'est tout à fait intéressant, Anne-Jolet, parce que ça sera débattu dans ces rendez-vous de l'histoire de Blois autour de la puissance des images. Il y a tout de même une difficulté pour les historiens d'appréhender ces images. Les historiens d'art savent le faire par professionnalisme, pourrait-on dire, depuis longtemps, mais différemment. Et les historiens, ils mettent un certain temps à s'y mettre, pourrait-on dire. Marc Ferraud l'a fait pour le cinéma. Michel Vauvel, on vient de le dire. D'autres, évidemment, pionniers dans les années 70 et 80. Mais on sent toujours une sorte d'appréhension des historiens par rapport à cet objet très particulier qu'est l'image. On ne sait pas très bien comment l'apprendre, Anne-Jolet. Oui, je crois que ce serait pas propre aux images. La question, par exemple, de la littérature, de la fiction. Bien sûr. En ce moment, on est beaucoup sur ces formes diverses d'expression culturelle qui, justement, participent à l'expression d'un état de la société. Je crois que nous aussi, en cahier d'histoire, je me souviens, il y a longtemps, on a publié un numéro Histoire et Histoire de l'art pour, justement, travailler cette articulation. Bien sûr, il y a à la fois quelque chose qui est tout à fait... presque monstrueux. Enfin, il y a quelque chose dans l'ampleur, y compris de ce travail sur les images, enfin, de cette somme qui est très particulière, due à son énergie, enfin, et aussi à cette capacité à articuler des disciplines différentes, puisque c'était une sorte de défi de donner la parole à d'autres qui n'ont pas la même formation, qui vont pas avoir le même point de vue, etc. En même temps, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est cette tentative toujours de ne pas disjoindre, quoi, oui, tout en cherchant de vouloir rassembler. Un sens global, oui, qui n'est pas disjoindre sans, en fondant tout, sans voir là où il y a contradiction. Hein. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Bien sûr. S'il a été quelqu'un de très isolé, et notamment ses derniers livres à propos du bicentenaire l'ont bien montré, c'est parce que justement, il rentre aussi dans la boîte noire de la fabrique des historiens, et y compris dans la façon dont fonctionne, y compris institutionnellement, nos champs. Donc je crois que c'est sa grande capacité à passer et d'un registre d'études à un autre et d'un registre d'expression à un autre qui fait que c'est véritablement une très grande personnalité historienne. J'espère quand même que ce ne sera pas le dernier des très grands historiens de la Révolution. On l'espère aussi. On ne peut pas lui souhaiter ça, il y en aura d'autres. Mais effectivement, c'est une étape très marquante. Pierre Cernat, un dernier mot sur Michel Vauvel. Il y a un autre historien dans le futur, de grands historiens aussi grands que lui de la Révolution française. Il sera sûrement un des enfants de Michel Vauvel ou un de ses élèves à propos, et je termine là-dessus, de ces trois chantiers qu'il a ouverts et qui sont aujourd'hui les plus neufs de la Révolution française. Un, on l'a dit, le chantier des images. Deux, le chantier de l'histoire des émotions et de la sensibilité. C'est un chantier tout à fait remarquable. Et le troisième chantier reste l'impact de la Révolution française sur le monde entier. Et vous y travaillez vous-même. D'ailleurs, Pierre Cernat, sur cet impact sur le monde entier. Merci Pierre Cernat. Merci à vous, Anne-Jolet, d'être venue rendre hommage en ouverture de cette émission à un grand historien des images qui n'est pas considéré comme tel, Michel Vauvel, dont on a appris la disparition en fin de semaine dernière. Et merci à vous, Séverine Niattard. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. Une émission qui continue sur ce thème des images, entre autres, puisque c'est le thème central de ces rendez-vous de l'histoire de Blois, donc la puissance des images, avec vous Anaïs Quin. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour à vous, Adrien Genoudet. Bonjour. Alors, vous nous présentez ce projet dont est porteur ici même à ce micro Adrien Genoudet, un projet du Collège de France autour de Patrick Boucheron. Oui, c'est un site internet, un magazine numérique qui vient enrichir le paysage déjà très dense, historique sur internet. Et là, vous cumulez plusieurs missions, Adrien Genoudet, puisqu'il s'agit à la fois de partager des contributions inédites d'historiens, entre autres, en tout cas pour le moment, puisque le site n'est pas encore mis en ligne. Pour le moment, il le sera demain, je crois. Demain à 19h. Et également des agrégats de contenu, des agrégateurs de contenu historique qu'on en a déjà connu, on a déjà vu, on en a déjà invité d'ailleurs à la Fabrique de l'Histoire, notamment le site Euchronie. Je voulais peut-être commencer par vous interroger sur le rubriquage d'entre-temps, Adrien Genoudet. Débattre, transmettre, créer, façonner, exhumer. Donc vous avez choisi ces cinq rubriques pour nous diriger dans l'univers que propose entre-temps. Alors évidemment, débattre, on entend bien ce que vous signifiez par là. Transmettre également, pour le moment, une rubrique tout à fait dévolue aux enseignants du secondaire, mais j'imagine que... Oui, enfin du secondaire, mais aussi du supérieur. On va mêler l'ensemble, en fait. Sont peut-être un peu plus énigmatiques les rubriques créées, façonnées et exhumées. Oui. Alors, Adrien Genoudet. Alors, déjà, c'est vrai que quand on rentre un peu dans cette phase un peu dite promotionnelle, même si c'est un gros mot, c'est vrai que je vous reprends sur un terme, qui est qu'on parle de revue numérique. On s'est dit qu'on parlait plutôt de revue numérique d'histoire actuelle. Donc l'idée est d'agglomérer en effet des contenus inédits ou des contenus qui existent déjà sur Internet. Et pour ce faire, c'est vrai qu'on a essayé le plus possible de faire un jeu de regroupement, alors un jeu de repérage aussi, une manière pour le lecteur et l'électrice de se repérer sur le site. Alors c'est vrai que le rubriquage a été une question essentielle pendant la conception. Débattre et en effet de se placer sur les questions centrales politiques aujourd'hui, c'est-à-dire où est-ce que l'histoire actuelle ou l'actualité de l'histoire nous parle de politique ou nous parle des questions politiques actuelles dans la société. On s'est intéressé à la notion de transmission, donc en effet c'est plutôt se situer au niveau des travaux des enseignants du secondaire et du supérieur, mais aussi de ce côté-là nous donner des armes, en fait des éléments, des contenus pour aussi peut-être servir au sein des classes. Et c'est là où en fait on a aussi un élément pour nous, un rôle essentiel qui est de penser entre-temps comme vraiment un service public de l'histoire. C'est vraiment une idée centrale pour nous avec Patrick Boucheron. On s'est intéressé à la notion de créer. Alors créer était, on en a presque un peu parlé là déjà. C'est vrai que c'est aussi prendre en compte toutes les nouvelles façons de faire de l'histoire ou les nouvelles façons dont les nouvelles manières, on va dire, dont l'histoire tout d'un coup est retravaillée aussi par les arts, c'est-à-dire aussi par le cinéma évidemment, par les images, par les arts visuels, par l'art contemporain. Vous êtes vous-même spécialiste de la question de la bande dessinée, de la façon dont on dessine l'histoire aujourd'hui, oui. Et effectivement, ça sera une part cette revue numérique en ligne. On va évidemment aussi intégrer toute la question des images dans son entier, donc que ce soit la bande dessinée, je disais, le cinéma, etc. Créer, c'est aussi s'intéresser à la manière dont de plus en plus les historiennes et les historiens travaillent avec des créateurs. Je trouve que c'est une question essentielle aujourd'hui. Donc on veut être aussi position de... Pierre Scholler est ici présent au festival. Effectivement, par exemple, Pierre Scholler, pour son livre son film Un peuple et son roi, a travaillé avec 4 ou 5 historiens de la Révolution française, par exemple. C'est ça. Et d'ailleurs, un de nos premiers contenus qu'on va diffuser demain est un entretien qu'on a mené avec Pierre Scholler autour de ce film, non pas pour... c'est ce qu'on s'est dit, non pas évidemment pour l'encenser, le film en tant que tel, on n'est pas dans une position critique, mais justement pour se mettre dans une position de réflexion, de réflexivité sur ce travail visuel, notamment dans ce film. Anaïs Quin. Oui, du coup, je suis allée lire vos contributions, Adrien Genoudet, notamment un texte très stimulant, un texte en cours d'élaboration, par lequel on voit que l'espace du doute existe fortement dans cette revue numérique, puisque vous vous permettez de proposer des textes en cours d'élaboration, des bouts de réflexion historicisée sur votre champ de recherche, les images. Il y a un très beau passage d'ailleurs dans ce texte où vous dites « Je ne peux dire que je être historien parce que plutôt l'histoire, on l'a fait ». Ce qui nous fait peut-être rebondir sur la question de façonner, de tout la fait, rubrique oui. façonner. En fait, il y a une volonté un peu, je pense, je pense que le terme est là, un peu joyeuse sur entre-temps, que de s'intéresser à la manière dont on a le temps aussi justement d'exposer nos objets, de montrer aussi leurs faiblesses, leurs inquiétudes, tout ce que porte un objet de recherche quel qu'il soit, mais aussi un objet de création, je le répète, hein, il y a vraiment ce mélange entre les deux, c'est-à-dire qu'on va recevoir autant des artistes que des historiennes ou des historiens sur la revue. Donc oui, mettre en place ces inquiétudes, les donner à voir, mais aussi les donner à voir justement pour en discuter, pour en débattre, c'est montrer comment se façonne un objet, comment se façonne une écriture. On peut dire que déjà, sur le net, on peut trouver les carnets d'hypothèses, par exemple, qui sont extrêmement intéressants, ou des chercheurs en train de travailler, mettent en chantier, pourrait-on dire, leur travail, le montrent, le débattent, le discutent, etc. Donc c'est assez proche de cette façon de faire, c'est ça, Adrien Jounet ? Oui, je crois qu'en plus, Internet est le bon espace pour le faire. C'est-à-dire qu'on a de la place, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Il n'y a pas de maquette, vous voulez dire. Enfin, il y a une maquette, mais cette maquette n'est pas contraignante. Voilà, l'idée était aussi principalement de ne pas avoir de contraintes ni de temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas de publication mensuelle, hebdomadaire, etc. On va publier au fil des réceptions de contenu et dans le même temps de nous offrir un espace qu'on pense intermédial, c'est-à-dire autant mettre des images, des contenus visuels, des vidéos, des textes de tailles différentes. Donc l'idée aussi est de laisser la place à cette expérimentation. Je sais qu'il y a beaucoup d'historiennes, d'historiens ou d'autres qui ont envie d'avoir cette place, d'avoir ces espaces, et donc c'était aussi l'idée d'offrir cet espace. C'est l'idée de façonner d'ailleurs cette rubrique en tant que telle. Anaïs Kien. Puisqu'on parle de faire, il y a 3 ans, vous nous aviez proposé un petit traité d'histoire visuelle qui ouvrait une porte qu'on espérait depuis longtemps. Adrien Genoudet, ce texte s'intitulait « Dessiner l'histoire ». Pourtant, depuis, les historiens parlent beaucoup d'images, mais on a la sensation qu'ils peinent à entrer dans ce champ de l'histoire visuelle. Vous voulez expliquer ? Une espèce de fuite des historiens devant les images, même si ce moment, il faut en parler, donc on parle des images, mais finalement, s'affronter à la lecture et à l'historicité des images, ça devient quand même toujours vite épineux. Oui, je pense que c'est encore très épineux, mais je pense même que c'est à l'image de la fiche en fait, des rendez-vous de l'histoire, où on se cache encore derrière l'image, vu qu'on la floute. C'est donc une Mona Lisa, donc voilà, floutée en l'occurrence. Et c'est presque à l'image encore de la position qu'on a, je dirais peut-être, avec les images. Je pense qu'il y a un très gros problème qui est proprement historiographique, qui est qu'on ne va pas assez voir ailleurs. Et je crois qu'on ne va pas assez voir ailleurs, je parle dans les écrits, quels qu'ils soient. On ne va pas dans d'autres domaines qui nous sont ouverts, où les portes sont plus grandes, ouvertes que peut-être dans le domaine de l'histoire. Je pense aux visual studies ou autres. Mais en tout cas, il y a aussi, pour revenir sur entre-temps, je crois que c'est notre idée, notre principe. C'est pour ça que je ne veux pas d'ailleurs monopoliser sur ma personne, vu qu'on est un collectif et on veut travailler collectivement. Mais je veux dire, c'est l'idée aussi de jouer enfin véritablement le jeu de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, c'est aussi un mot qu'on met tout le temps en avant comme étant une sorte de puissance en tant que telle. Je ne sais combien de colloques commencent par cette idée de voilà, on doit être interdisciplinaire. Et en fait, on tourne en rond autour de cette idée sans vraiment la mettre à l'épreuve ou l'expérimenter. Alors, je dis pas, beaucoup de gens le font, hein, mais entre-temps, il y a aussi un lieu où on veut donner à voir, mêler vraiment cette interdisciplinarité, l'expérimenter ensemble, c'est-à-dire, je répète, collectivement, autant avec des artistes que des professionnels de l'histoire. Alors, qu'est-ce que la rubrique Exhumer dans ce site entre-temps ? Qu'est-ce que vous allez faire dans Exhumer ? Alors, exhumer, le mot est peut-être un peu fort, mais l'idée est très proche de ce que nous voulions faire au départ. C'est du Michelet, c'est faire c'est la résurrection des morts, c'est ça ? C'est la résurrection des contenus, on va dire, on va faire ça comme ça. L'idée d'exhumer était notre idée première de rassembler, de réactualiser des contenus déjà existants, en fait. Vous parliez d'hypothèses, de blogs, etc. C'est vrai qu'il y a une histoire, il y a une écriture de l'histoire extrêmement intéressante qui se passe sur Internet. Uchronie le fait déjà très bien. D'ailleurs, on a des membres d'Uchronie, Rémi Besson, Sébastien Poublanc, qui sont avec nous. Il faut conseiller à nos auditeurs et à tous ceux et toutes celles qui sont dans la salle d'aller voir sur ce site Uchronie, effectivement, qui moissonne sur le net tous les contenus d'histoire et qui les rééditorialise déjà. Et qui le fait très bien, et c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et donc, exhumer, nous, c'est plutôt dans l'idée de faire réadvenir ces contenus, les rééditorialiser. Alors, c'est assez proche de Chronie, sauf qu'on va le rattacher à une actualité de l'histoire qui nous intéresse en cours, en fait. fait. Voilà. Anaïs Kien. Et qu'est-ce que vous allez faire de toute cette galaxie qui ne cesse de grandir de youtubeurs d'histoire qui proposent des vidéos, justement, donc beaucoup d'images, pas toujours très intéressantes, mais parfois brillantes. Ils seront d'ailleurs présents à Blois. Manon Bril sera là demain, ouais. Je crois qu'elle fait quelque chose à 14h. On a un article qui est intéressant, là, qui sortira sur Entretemps de Pauline Guillaumet, qui en parle. Justement, ce qui était aussi intéressant de se confronter à cet univers numérique et de faire advenir en fait une revue sur Internet, il y a aussi nécessairement l'obligation de prendre parti vis-à-vis de ces choses-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, nous, comme contenu divers, différents, qui, non pas, en fait, sont des contrepoints à ces travaux ou à ces productions de youtubeurs, mais je crois qu'on n'a pas non plus envie de se situer là, je veux dire. On a plutôt envie de les interroger avec eux, sans doute, mais je crois qu'on a aussi l'envie de faire autrement sur Entretemps que simplement ces formats extrêmement resserrés, plutôt aussi très... voilà, de qualités extrêmement diverses, hein, évidemment. Manon Bril, on en parle dans l'article de Pauline Guillemet, fait partie plutôt, nous, de voilà, des contenus qu'on apprécie. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi que ça peut être un moment où on peut prendre enfin parti aussi sur ces contenus, précisément. Mais on a tout de même l'impression que sur ces productions YouTube, effectivement, beaucoup d'historiennes et d'historiens les prennent avec des pincettes en disant oui, c'est ou bien. Ou ne les prennent pas du tout, ou d'ailleurs. Ou ne les prennent pas du tout. Alors que 300 000, 500 000, 1 million de vues, généralement sur YouTube, pour beaucoup, beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles, on n'a pas là une sorte de distance un peu. Même un peu ironique des universitaires et des historiens vis-à-vis de ce qui est en train de se faire. Beaucoup de ces youtubeurs ne sont pas des historiens professionnels, par exemple, mais ils se rassemblent dans des grandes conventions comme à Montbrison cet été. Et il y a beaucoup de monde, y compris des historiens et des historiennes professionnelles comme Laurence de Coq ou Mathilde Delarère, qui viennent les rejoindre parce qu'il y a un public et parce que d'un seul coup, peut-être ce mur du public qu'il faut toujours briser quand on veut populariser l'histoire, eh bien, ils ont trouvé un moyen de le faire, Adrien Genoudet. Ben, je crois en tout cas que le mur du public, oui, il fait partie de notre discipline depuis pas mal de décennies. Donc on sait très bien qu'il y a toujours un peu cette position un peu tangente entre est-ce que l'on prend en compte ce qui est très populaire ou est-ce que on arrive à s'y allier ou en du moins à les interroger à niveau, au bon niveau. En tout cas, nous on se situe, c'est évidemment pas dans une position d'œillère, c'est hors de question. Par rapport à ces productions, c'est au contraire les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire en effet des contenus populaires qui ont une visibilité énorme, et dans le même temps aussi prendre, encore une fois, et je crois que c'est une pensée chère à Patrick Bouchon que je partage énormément, c'est aussi toujours remettre en avant ce qui fait notre discipline, mais aussi notre position professionnelle, qui est à la fois mettre en avant une inquiétude de la méthodologie, ou en tout cas montrer aussi notre méthodologie tout en inquiétant. Et comment ne pas être débordé dans cette tâche ? Parce que là, on a parlé de l'aspect d'agrégateur de contenu, d'entretemps, mais rien que la rubrique débattre, finalement, pourrait vous prendre plusieurs vies. Parce que les débats d'histoire, on en a, et pas simplement au moment des rendez-vous de l'histoire de Blois. Oui, puis dernièrement, on en a eu beaucoup, toute la polémique autour de l'ouvrage Sexe, race et colonie, toutes les discussions autour de l'ouvrage de Johann Chapoteau et Christian Ingrao sur Hitler. On en reparle d'ailleurs un petit peu. Le texte des historiennes paru dans Le Monde il y a quelques jours également. Je pense que c'est ça. On va essayer de quand on parle d'histoire actuelle, c'est aussi actualiser ou réactualiser des débats. Je pense que par exemple, le texte d'Ingrao, de Christian Ingrao, qu'on partage grâce au partenariat qu'on a avec le magazine L'Histoire. On a l'idée, donc là on est dans la partie plus exhumée, c'est-à-dire on fait revenir aussi des débats, on les replace au sein de nos discussions, au sein d'Entretemps. Et puis oui, je pense que c'est utiliser Entretemps comme aussi un espace non pas de simple tribune, mais en tout cas de discuter de ces débats. Alors évidemment, il y en aura beaucoup, il y en aura trop. Donc on est aussi là en tant que comité éditorial, en tant que groupe, pour à un moment donné choisir ceux qui nous semblent être propres à Entretemps ou avoir sa place sur la revue. Et donc, demain, vous présenterez pour le public de Blois, à quelle heure le site donc entre-temps, on sera précisément, ici, avec, ici avec même, Boucheron, à l'auditorium voilà, de l'Abbé Grégoire. On présentera donc le site à 19h. Je dis le site, je me trompe dans mon élément de langage, la revue. C'est bien ça le problème des éléments de langage, c'est qu'on se trompe souvent. C'est ça. Et on présente à 19h. Et donc, le site, la revue, sera accessible à 19h, voilà. Demain soir. Et le titre... Le exact hein, que vous pouvez taper donc dans votre moteur de recherche, enfin l'adresse exacte, c'est entre-temps.net. Voilà, voilà. Entre-temps. Et puis disons également que Patrick Boucheron enregistrera son émission Matière à penser pour France Culture dimanche, ici même à 12h30. Oui, Anaïs Kien, brièvement. Et puisqu'on en a parlé, pour les fans de Manon Bril qui parlera demain, elle est sur la route, elle nous écoute en ce moment même. Voilà, et voilà. Donc Manon Bril, une des youtubeuses d'histoire dont on a parlé. Merci Adrien. Sa chaîne s'appelle C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et elle participe également à une chaîne de popularisation de la recherche savante de l'université de Toulouse. Merci Anaïs Kien. Marcel Lépiné. Bonjour Emmanuel. Une musique qui vous plonge dans l'Afrique du Sud que vous venez tout juste de quitter pour la Fabrique de l'Histoire, c'est cela ? Oui, parce que mercredi prochain sort le film de Nicolas Champeau et Gilles Porte, Le procès contre Nelson Mandela et les autres. Et nous, avec Anne Fleury et Hélène Langlois, nous revenons de Johannesburg. Nous étions invités, grâce au soutien du pôle Idées et Savoirs de l'Institut français et de l'IFAS Recherche, à un colloque intitulé « Écoutez le procès de Rivonia, tribunaux, archives et mouvements de libération ». Parce qu'à l'origine du film de Nicolas Champeau et Gilles Porte, à l'origine de ces images, il y a un son, celui des archives sonores donc du procès de Rivonia, ce procès qui s'est tenu en 63 et 64 à Pretoria et qui devait envoyer en prison Mandela et sept de ses camarades de l'ANC. Un procès qui avait donc été entièrement enregistré, mais sur un drôle de support, le dictabelt. Alors, un dictabelt, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de cylindre de vinyle souple, rouge ou bleu. Ça ressemble à un bracelet assez large qu'on aurait découpé dans les protège-cahiers transparents qu'on utilisait, que j'utilisais quand j'étais enfant. Et ces dictabelts, on les utilise toujours. On peut les plier, les glisser dans des enveloppes, coller ces enveloppes dans des classeurs et éventuellement les oublier sur une étagère. Et ces dictabelts, eh bien, on ne savait plus les lire. Ou plutôt, on n'avait pas de machine qui permette de les lire et surtout de les numériser avec précision et sans détériorer les supports qui étaient donc devenus très fragiles. Alors c'est un ingénieur français qui s'appelle Henri Chamou, un ingénieur et historien, comme nous sommes à Blois, on peut même donner le nom de son laboratoire de rattachement, le LARA, qui a su adapter une machine de son invention, l'archéophone. L'archéophone, c'est un beau titre. C'est un joli bon titre, c'était pour lire les cylindres de cire d'avant la Première Guerre mondiale. Et c'est lui qui a eu la tâche de numériser ses archives grâce à un partenariat entre les archives sud-africaines et l'INA, pour qui il a fait ce travail. On l'écoute. Par moments, je me trouvais comme un... Vraiment comme un enfant qui découvre quelque chose dans un grenier de famille, sans forcément tout comprendre absolument d'emblée, sans forcément tout mesurer. Mais quand même, il y a des choses, évidemment, qui m'ont touché plus que d'autres. Voilà, par exemple, Katrada, lorsqu'il évoque sa jeunesse et sa visite en Europe. Et je me propose de vous le faire entendre ici. Yes, my lord. I was about 8 or 9. I had to come to Johannesburg to school. Alors, comme j'ai envie de vous laisser écouter un peu de cette archive dans son jus, si je peux dire, c'est-à-dire pour que vous puissiez en apprécier la couleur et le ton, je vous résume très brièvement ce qu'on va entendre. Ahmed Katrada, qui est donc un des compagnons de Mandela, d'origine indienne, raconte son enfance, son adhésion au Parti communiste en 1943, à 14 ans, et son départ pour l'Europe quelques années plus tard, en 51, comme délégué au Congrès de l'Union internationale des étudiants. Et en Europe, il bascule dans un autre monde, un monde où il voit des Européens, entendez, des Blancs, laver le sol des aéroports, et où il peut non seulement aller à l'opéra ou au ballet, mais également tout simplement aller boire une tasse de thé dans un restaurant. And in December 1946, at the age of 17, I think you served a month's imprisonment in Durban as a passive resistance volunteer. Correct, my lord. Now, in 1951, yes, the Students' Liberal Association asked me to attend a conference on its behalf of the International Union of Students. I see. Going to Europe, it's like entering a new world. My very first impression was when I saw at the airport in London Europeans scrubbing the floor. Anyway, you were able there to attend the theater, ballet, opera. Well, even to attend a restaurant. I mean, to have a cup of tea in a restaurant. That you can't do. It was the first time in my life that I could walk into a restaurant and have a cup of tea. Voilà, donc ça, c'était pour moi un moment surprenant. Donc je connaissais rien d'Ahmed Kathrada, je me suis documenté comme n'importe qui sur Wikipédia ou ailleurs. Ça a été d'ailleurs l'occasion de rencontrer Nicolas Champeau et finalement, d'une certaine manière, de lui donner l'idée de réaliser un beau documentaire dans le cadre duquel il fait entendre ce genre d'extrait aux personnes elles-mêmes 52 ans après. Ce film, donc Le procès contre Nelson Mandela et les autres, sort mercredi. Il est projeté ici à Blois dans un peu moins de 2 heures à 11h30 au cinéma des Lobbies. Il sera également projeté demain. Je vous conseille à tous d'aller le voir. C'est très réussi, cette mise en image de ces archives sonores, de quelques-unes de ces archives sonores, parce qu'il faut savoir que l'ensemble des archives sonores de Rivonia, c'est 256 heures. Henri Chamou aime rappeler que La recherche du temps perdu en livre audio, texte intégral, c'est un peu moins de 130 heures. Ça vous donne une idée de ce que ça représente. Et jusqu'à cette numérisation intégrale et à cette restauration par l'INA, on ne connaissait que 3h30 de ces archives sonores, celles qui contiennent le célèbre discours de Mandela dans lequel il se dit prêt à mourir pour la cause qu'il défend. Et donc là, on a un matériau nouveau extrêmement important pour la recherche. C'est le sujet du documentaire qu'on a enregistré à Johannesburg. Je vous propose d'écouter Noor Niftiaroudine, qui est professeur d'histoire au WITS History Workshop à Johannesburg. I think that the more significant question is that what will happen now that it is available and accessible. Que va-t-il se passer maintenant que ces archives sont disponibles? Pour la première fois, on va pouvoir comprendre le procès de Rivonia sans se limiter au discours de Mandela, même si c'est évidemment un discours très important. On a maintenant des centaines d'heures d'archives disponibles. Cela signifie que ce moment clé de notre histoire peut être réinterprété, particulièrement par les historiens, et nous avons déjà une étudiante qui s'y est plongée. Les historiens ont besoin de temps pour engager des recherches, écrire, publier, et ce qu'on attend du colloque de cette semaine, c'est vraiment que les gens prennent mieux conscience de ces nouvelles sources et que les chercheurs se lancent. Un petit mot enfin pour vous dire que toutes ces archives sont d'ores et déjà disponibles pour ceux qui en font la demande, soit à la phonothèque de l'INA à la bibliothèque François Mitterrand à Paris, mais également soit sur le site de la NARSA, les archives sud-africaines. Et si vous voulez en savoir un peu plus et écouter un peu plus longuement le professeur Niftiaroudine, je vous donne rendez-vous donc à la mi-novembre dans la fabrique pour notre semaine spéciale Afrique du Sud. Avec bien d'autres sujets que vous avez ramenés donc avec Anne Fleury d'Afrique du Sud. Merci beaucoup Victor Massé de l'Épinay. C'est l'heure désormais de trouver la dernière rubrique de notre émission du vendredi avec le site Retro News donc de la Bibliothèque Nationale de France. Et là, aujourd'hui, nous avons sorti en fonction de ce thème de la puissance des images, un texte de 1911, donc un texte de Léon Blum autour de la pornographie et de l'art, et c'est Marion Minois qui va nous le lire. C'était à la une. Octobre 1911. La pornographie et l'art. La pétition pour la liberté de l'art, dont notre confrère Le Journal est l'organisateur et l'hôte, s'est couverte de signatures en quelques heures. Cela est fort bien, et chacun s'en félicite. Mais il s'agit en réalité d'instituer un organe judiciaire. Sur quoi se fonderont les artistes experts pour formuler leurs décisions ? Ils auront, disent les rédacteurs de la pétition, à décider si l'œuvre incriminée ressortit à la pornographie ou à l'art. De même que les autres experts commis par la justice répondent par oui ou par non aux questions de tout ordre qui leur sont posées. Mais rien n'est plus téméraire qu'une telle assimilation. Un expert comptable peut, en toute sécurité de conscience, décider qu'un bilan est truqué ou qu'il est sincère. Un médecin légiste peut affirmer sans trouble ni réticence qu'un intestin contient ou ne contient pas des traces d'arsenic. Qui donc s'estimera assez sûr de son jugement moral et de son jugement critique pour répondre par oui ou par non qu'une œuvre est de la pornographie ou de l'art? Est-ce que par hasard les limites de la pornographie et de l'art seraient si nettement tracées, si faciles à fixer? On peut être à la fois un pornographe et un artiste. Il n'est pas vrai qu'on soit nécessairement l'un ou l'autre. Chez Fragonard, chez Clodion, qui sont pourtant des artistes, l'intention pornographique est souvent évidente. Elle ne l'est pas moins dans certaines pages de La Fontaine, de Diderot ou de Voltaire, et l'on pense bien que si l'on jugeait la chose utile, je pourrais choisir mes exemples plus près de nous. Ainsi, dans la plupart des cas, la question posée aux artistes experts reviendrait à décider si l'élément pornographie prévaut ou non sur l'élément art. Avec quelle balance de précision effectueront-ils ce dosage redoutable, dont l'effet pour l'artiste soumis à l'analyse peut être le déshonneur et la prison? Non, cela n'est pas supportable, et l'on n'aperçoit pas lequel de nos maîtres, lequel d'entre nous pourrait assumer un pareil rôle. Et plutôt que le système de la pétition, je préfère encore le régime actuel, où les magistrats peuvent poursuivre imprudemment mais où ils poursuivent du moins à eux tout seuls, sans conseil et sans caution, et en courant le risque qu'ils redoutent le plus, le ridicule. Léon Blum. Merci Marion Minois d'avoir lu ce texte de Léon Blum de 1911 autour de cette difficile séparation entre pornographie et art et de cette défense justement des artistes qu'avait Léon Blum en 1911. C'est un texte issu du site Rétro News de la Bibliothèque Nationale de France, et je rappelle que vous êtes à Blois vous-même avec la compagnie du Théâtre Brut que vous dirigez, donc pour des représentations de Tchaïka, une variation sur la mouette de Tchekhov. C'est à 14h pour les scolaires cet après-midi et c'est à 21h ce soir pour tout le public. Merci d'être venu. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui ont préparé ces rendez-vous de l'histoire et cette émission en particulier. Aurélie Marcet, Céline Leclerc, Marcos Darras, Fabien Gosset, Alexandre James et Jean-François Georges et Franck Malabry, ainsi que Jean-Marc Clos à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Sachez que France Culture est donc tout le week-end ici même. Le Grain à Moudre ce soir à 18h20. Politique d'Hervé Gardette demain à 9h. Concordance des temps à 10h. Jean-Noël Jeannet recevra Christian Delage sur l'image comme preuve ou l'image comme mensonge. Dimanche, l'esprit public d'Émilie Aubry à 11h en direct ici même. Patrick Boucheron enregistrera à 12h30 son émission Matière à penser. Et à 14h, Affaires étrangères avec Christine Ockren. Merci à toutes et merci à tous. Sachez que la semaine prochaine, nous allons traiter dans la fabrique de l'histoire de l'homosexualité.